Oh, you worry about it. Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, Mastodon et son excellent dernier album en date de 2021, le double Hoshed and Grim. L'ex-guitariste du groupe, malheureusement décédé il y a deux jours dans un accident de moto. Triste fin pour cet excellent guitariste que l'on a vu maintenant pendant plus de 25 ans au sein de Mastodon. Il s'agit de Brent Innes. Il ne faisait plus partie du groupe depuis quelques mois. Il avait été remplacé par le youtubeur Ben Heller avant d'être remplacé par le guitariste qui est habitué à la guitare instrumentale, Nick Johnston. Et d'ailleurs, c'est ce dernier que vous avez pu voir sur l'hommage Back to the Beginnings, hommage à Ozzy Osbourne du début juillet. C'était le morceau The Beast sur lequel la guitare de Brent Innes faisait ici des merveilles pour un groupe absolument groupe à part. Voilà, dans Overdrive, restez derrière votre tuner, dans votre rocking chair, on aura de l'excellente musique. Alice Cooper nous revient avec le Alice Cooper Band. Il ressuscite. Le Alice Cooper Band a 77 ans. Maintenant, il nous sort des disques à une régularité folle. Il s'agira là du retour du groupe des années fin 60, dans lequel Alice Cooper n'était pas vraiment un artiste solo, mais vraiment un groupe à part entière, avec un line-up stable. Donc Dennis Dunaway, Michael Bruce, Neil Smith sont de la partie. Et on a affaire du grand. Moi, j'avais vraiment adoré l'album Road, paru en 2023, sur lequel il avait demandé à son groupe live d'enregistrer cet album studio. Donc ici, on va débuter avec ce Black Mamba qui ouvre cet album, toujours produit de main de maître par Bob Ezrin. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Le Alice Cooper Band avec son dernier album, The Revenge of Alice Cooper. I think I'll hide inside your bed sheets. Coiled into the folds of white, I'll just watch you while you're sleeping, darling, and decide if I should bite. A slave to temptation, baby. Perhaps you want me much too much. I think I'll hide inside your bed sheets, coiled into the folds so white. I'll just watch you while you're sleeping, baby. Decide if I should bite. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, right now, baby. You've got nothing to fear. Yes, vous venez d'entendre le groupe The Eternal Idol. Il ne s'agit pas d'un groupe de reprise de Black Sabbath et de la période Tony Martin, mais bien d'un groupe produit par le label Frontiers Records, Behind a Vision, pour du power metal symphonique d'influence un petit peu Nightwish, voire Rhapsody, sur certaines orchestrations. Voilà, et c'était le morceau Empire of One. On continue avec du heavy metal classique, sorti sur Listenable Records maintenant. Il s'agira du groupe Crystal Viper, dans une veine peut-être un petit peu moins pompeuse. Ce sera The Live Quest avec ce Silver Key pour le groupe Crystal Viper. Walking through the lane of dreams, I cannot feel anything. Soon tuned into space, full of stars. Is it really choice or pride? So vivid it hurts my eyes, cause we dance in the eldritch night. Rocking voices, they want me to follow. Cosmic time. Album live pour le groupe The Crystal Viper avec The Live Quest, le morceau The Silver Key, tout de suite sorti sur le label Listenable Records pour les amateurs de heavy metal de tradition. Voilà, encore une mauvaise nouvelle. Le groupe Saxon a annoncé que son Biff Bifford de chanteur souffrait actuellement d'un cancer et pour l'heure, ils se voient dans l'obligation de reporter la tournée des Zénith qui était prévue en France sur trois dates à 2026. Donc cette tournée était prévue pour l'automne 2025 et étant donné que Biff va suivre une chimiothérapie, il ne pourra pas assurer ses concerts. En tout cas, il ne reviendra plus fort que jamais en 2026 et on lui souhaite un prompt rétablissement et encore une fois tout notre courage. Pour l'heure, j'ai ressorti l'album Killing Ground sorti en 2001. Cet album-là avait vu le groupe de heavy metal anglais revenir sur le devant de la scène plus fort que jamais. Pour moi, il est au-dessus de l'album précédent qui est Metalhead. Et ici, on a d'excellents morceaux. Le morceau titre est excellent. On a une reprise également un petit peu inattendue de King Crimson avec Court of the Crimson King. Et également ce morceau Coming Home qui se veut un petit peu plus hard rock dans le style que purement foncièrement heavy metal germanique comme le groupe Saxon s'habitue à le faire depuis le milieu des années 90 et il nous offre un superbe groove et la voix de Biff Bifford sonne merveilleusement bien. Sur ces albums-là, elle sonne même mieux que sur les classiques des années 80 sur les Wheels of Steel et autres Heavy Metal Thunder. Coming Home tout de suite et encore une fois, tous nos vœux de courage à Biff Bifford. Take a pill, need some sleep, feel like hell, in my suitcase, that's my life, thoughts of you cut me like a knife, but I'm long, long gone, down that lonely road. My pain out my window. encore une fois Biff Bifford, tous nos voeux de prompt rétablissement. Et c'est un extrait de l'album Killing Ground paru en 2001 qui vient d'être réédité dans un joli digipack. Le morceau Coming Home. On continue avec la réédition de Balls to the Picasso, deuxième album solo de Bruce Dickinson, deuxième album qui se voit réédité là aussi, More Balls to Picasso, avec deux morceaux en live, en studio, remixage également. Et ce sera le morceau plutôt heavy, Laughing in the Hiding Bush, qu'on va entendre. Dickinson parle déjà de son futur album solo fort, d'une grande tournée actuelle pour Maiden, qui était Run For Your Lies, célébrant les 50 ans de carrière de l'institution anglaise. Il nous parle déjà de son futur album solo qui devrait être super heavy et enregistré live en studio. Ce sera la suite du Mandrake Project qui était paru l'année dernière. Donc Bruce Dickinson revient à l'album 94 sur ce More Balls to Picasso, et j'ai choisi de passer ce morceau qui avait quand même fait pas mal été joué par le chanteur anglais à l'époque, peut-être pas le plus connu mais sacrément heavy. Ça s'appelle Laughing in the Hiding Bush. we don't have to end. Yes, vous venez d'entendre le groupe Major Arcana avec ce deuxième album Coyote Crunch, enfin plutôt le groupe Coyote Crunch avec ce deuxième album Major Arcana, et c'était le morceau We Are Many, dans un style rock super bien ficelé. C'est paru sur le label M&O Music. On va revenir à des terres heavy metal avec les Suisses de Burning Witches, qui nous sortent leur dernier album Inquisition sur le Napalm Records, toujours avec la guitariste américaine qu'on avait vue dans le groupe de reprise de Maiden, The Iron Maidens avec un S, Courtney Cox. Et on voit ici du... on va dire heavy metal de tradition, même si leur son reste moderne, et on s'envoie le morceau qui s'appelle The Spell of the Skull tout de suite sur le 895 de Radio Dio. Il est 10h passé de 15 minutes. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le groupe Burning Witches avec ce Spell of the Skull paru sur leur dernier album Inquisition. Et on va quitter un petit peu maintenant les terres de Heavy pur et dur pour retrouver le groupe King Witch et ce morceau Deal with the Devil, toujours sur Overdrive. Mm-hmm. Sing Witch avec ce dernier album Deal with the Devil paru sur leur dernier album qui a vu le jour sur Listenable Records. On va refaire un petit saut en 2020. 2020, bien entendu, l'année maudite, l'année du Covid qui a vu certains albums ne pas vraiment, on va dire, jouir du succès qu'ils auraient dû rencontrer. Et c'est le cas de ce Cadra du groupe Sepultura, Sepultura qui a annoncé ici sa tournée d'adieu. Il nous offre un superbe album pour finir leur carrière. Cadra avec l'excellent batteur, l'excellentissime Eloy Casagrande, qui est maintenant dans le Slipknot. Donc pourquoi Cadra? Parce qu'il s'agit d'un disque qui est divisé en quatre parties. Une première qui se veut un petit peu trashy, rapide dans le sens de Arise, une deuxième un peu plus influence tribale façon Roots, et une autre un petit peu plus, on va dire, expérimentale, moderne, comme l'album précédent que j'avais beaucoup aimé également, qui était Machine Messiah. Et voilà, donc j'ai diffusé et choisi de diffuser un morceau extrait de la première partie de l'album qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, une petite seconde, là j'ai un magnifique digibook avec double DVD. Ensuite, donc le morceau Last Time, des riffs d'anthologie, une batterie vraiment à 1000 à l'heure, et puis un Derek Green que moi j'ai personnellement plutôt bien apprécié tout au long des nombreuses années dans lesquelles il a fait partie de Sepultura. Donc Sepultura, ce n'est pas que Max Cavalera, c'est aussi la période de 97 à nos jours. Ne pas l'oublier, bien entendu. Last Time par l'album Cadra. Fall in. Yes, excellent morceau que c'est Last Time, extrait de Cadra de Sepultura, sorti en 2020. Voilà que de quoi faire taire ceux qui disent que le groupe n'a rien proposé d'intéressant depuis le départ de Cavalera en 96. Maintenant, on continue avec le retour du groupe Sinsanum, groupe de Fred Leclerc qui tient la basse dans Creator, et de son pote également Stéphane Burias, bien entendu, de Loud Blast. Ils sont entourés de Attila, de Mayhem, et ils, sur les deux albums précédents, ils avaient le tristement regretté Joey Jardison, bien entendu batteur de Slipknot, et malheureusement il est mort en 2021. Il est ici remplacé par Andrei Joey, et on est sur du death metal, tendance relativement technique. On a un nouvel album, donc Obsolete and Broken, et on va s'envoyer tout de suite le morceau qui ouvre l'album. Ce sera In Devastation, tout de suite par Sinsanum sur Overdrive Radio Duo. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le groupe Dead Guy avec cet album Near Death Travel Services paru sur Relapse Records, et c'était le morceau New Best Friends dans une veine très hardcore. Maintenant, du death metal avec Impureza qui voit le jour sur Season of Mist, Reconquistar al Andalus. Ils se définissent comme un mélange de flamenco et de death metal à la Behemoth. Voilà qui devrait être un sacré mélange sur ce Impureza qu'on envoie tout de suite avec ce morceau Reconquistar al Andalus, tout de suite, Impureza. Die! Yes, vous venez d'entendre Il pourrait ça avec ce morceau avec un costard Al-Andalus. Et on continue maintenant avec une annonce concert. Ce sera le mercredi 5 novembre prochain du côté de la Halle Tony Garnier de Lyon. Vous retrouverez le groupe Parkway Drive. Et pour l'heure, on a ressorti l'album de 2018, Reverence. Et on s'enverra le morceau Absolute Power pour annoncer cette date. Donc le 5 novembre prochain, Parkway Drive à Halle Tony Garnier de Lyon. Yes, 5 novembre prochain du côté de la Halle Tony Garnier de Lyon. Il est temps maintenant de nous quitter. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Dio. Overdrive reprend du service à temps plein et se retrouve toutes les semaines après les vacances d'été. On se quitte au son de ce Tears of a Dragon, toujours extrait de ce More Balls to Picasso de Bruce Dickinson. Ce sera Tears of the Dragon, tout de suite dans sa version remasterisée et d'excellente catégorie, d'excellent son. On rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour retrouver toutes les informations concernant, on va dire, Overdrive, les podcasts des émissions, les références des morceaux qui auraient pu vous plaire également. Merci, passez une bonne semaine, ciao, bye bye. Darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day, the misty ghosts of childhood. Pressure is building and I can't stay away. Where I was, I had to